Acte 5. La plaine de Wagram. Devant une cabane de paysans, le paysan et Flambeau, en présence du vrai duc et de Procache, évoquent leurs souvenirs de guerre napoléonienne. Arrivent alors Marmont et les conspirateurs qui hésitent à s'approcher du duc. « Duc, bonne chance !» Le duc s'ombre. « Vos amis, ils restent à distance. C'est que de déranger votre Altesse, ils ont peur. Et, sire, que déjà, vous êtes l'empereur. » « Empereur ? Moi ? Demain. Je te pardonne, traître. J'ai 20 ans et je vais régner. Ah, mon Dieu ! Que c'est beau d'avoir 20 ans et d'être fils de Napoléon Ier. Ce n'est pas vrai que je suis faible et que je tousse. Je suis jeune, je n'ai plus peur. Empereur, moi ? Demain. Comme la nuit est douce. Régner, c'est dans ton vent dont le parfum de gloire commence à me rapatrier, qu'au moment de partir, je devais venir boire, Wagram, le coup de l'étrier. Régner, qu'on va pouvoir servir de grande cause et se dévouer à présent, reconstruire, apaiser, faire de belles choses. Ah, Procache, que c'est amusant. Procache tous ces vieux rois dont les âmes sont sourdes. Oh, comme ils doivent ça s'ennuyer. J'ai les larmes aux yeux. Je me sens les mains lourdes des grâces que je vais signer. Peuple, qui de ton sang écrivit la légende. Voici le fils de l'empereur. Oh, toute cette gloire, il faut qu'il te la rende, et qu'il te la rende en bonheur. Peuple, on m'a trop menti pour que je sache feindre. J'ai trop souffert pour t'oublier. Liberté, liberté, tu n'auras rien à craindre d'un prince qui fut prisonnier. La guerre, désormais, ce n'est plus la conquête, mais c'est le droit que l'on défend. Ah! Je vois une mère, au-dessus de sa tête, élever vers moi son enfant. D'autres noms, désormais, je veux qu'on s'émerveille, que Wagram et que Rovigo. Mon père aurait voulu faire prince Corneille? Je ferai duc Victor Hugo. Je rêve. Ah, je vais régner, j'ai 20 ans, une aile de jeunesse et d'amour me soulève. Ma capitale, tu m'attends. Soleil sur les drapeaux. Multitude grisée, ô retour, retour triomphal, parfum des marronniers de ces Champs-Élysées, que je vais descendre à cheval. Il m'acclamera donc, ce grand Paris farouche, tous les fusils seront fleuris. On doit croire embrasser la France sur la bouche, lorsqu'on est aimé par Paris. Paris, j'entends déjà tes cloches. Paris, Paris, je vois déjà dans l'eau tremblante de la Seine, le Louvre renversait ses toits. Et vous qui présentiez à mon père les armes, dans la neige et dans le simoun, vieux soldat, sur mes mains, je sens déjà vos larmes. Paris. Les conspirateurs se présentent alors l'un après l'autre. L'attaché français s'avance alors au grand étonnement du duc. En fait, cet attaché, ayant entendu qu'on voulait tuer le duc à son rendez-vous avec Thérèse, est parti le défendre. Mais il s'est trompé de rendez-vous en venant à Wagram. Craignant pour la comtesse qui a pris sa place au rendez-vous avec Thérèse, le duc ne veut plus s'enfuir avec les conspirateurs, si bien que ceux-ci ont envie de l'enlever. Mais la comtesse, faux duc, apparaît, couverte de boue, pâle et hors d'haleine. Elle raconte qu'elle a tué celui qui venait tuer le duc et que Thérèse n'est pas venue au rendez-vous du pavillon de chasse. Elle ajoute qu'elle est désormais poursuivie par le directeur de la police et ses sbires. Les conspirateurs s'enfuient alors. Seul, Flambeau reste auprès du duc et se plante un couteau dans la poitrine. Les policiers laissent alors le duc et Flambeau, estimant que désormais, toute fuite est impossible.